بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل عن كلمة عملنا فكاهة طول كمون دي دي زيستوار قصص عملنا استعارة أو خطي كدرون نعمت كمون دي بلزيور عدة كمون دي Les assiettes. Elle attend. Comment on dit frapper à la porte? Taraka. Taraka et Taroko. Comment on dit des pleurs? Bouka. Amana, Amala, Yamolo. Espérer. Parce que là. Maza sta'ara juha min jarihi. استعار قدرا كبيرا لماذا استعاره للاستعمال متى رده اليوم التالي لماذا دهش الجار لأن الجحا رد القدر مع طبقة صغيرة طبقين صغيرة لما طلب جحا من جاره عددا من القدور ليطبخ طعاما لضيوفه لماذا أعطاه إياها لأنه أراد أطباقا جديدة Et en fait, un petit bacon ou un tuba, quelque chose de mieux, je crois. Lihannahu ya'mulu an yu'ida juha quduran wa ma'aha majmou'atun min al-atbaq. Kam yawman abqa juha al-qudur 'indahu? Shahr. Madha fa'ala al-jar hinama lam يعيد جحا الأطباق والقدور جاء عند بيتي وعلى الجزائري هناك جاري هنا هنا نعم جاري ما أدري شوف لأنه أراد الطب جاء عند بيته وطرق الباب بشدة ماذا قال الجار لجحا سأل جحا عن سبب بكائه وقال وكيف تموت القدور لا وقد سأل سبب بكائه بماذا أجاب جحا الجار Qu'est-ce qu'a répondu Juha? Le truc c'est que il a répondu à justement en fait il a répondu Kayfa tusaddiq anna al-qudur talidu wa la tusaddiq annaha tamut. ليس هذا في الأول. ها؟ الأول ما قال هذا. هذا بعض هو جاب الجواب اولا كان يبكي ليش بكى لهذا هو السبب ان القالان القدر مات سال جحا عن سبب بكي فاخذ جحا فعل ان القدر قد امت قد ماتت ايوه هذا هو الذي قال جحا في الأول. تولي معميت لك أدخل في موقت. أيهما الأحمق؟ كلاهما. نعم لدو. كنا رقم كم بعد هذا؟ الخامس. Compléter les phrases. قصدت السوق لي شراء الفواكه. نعم، اشتري الفواكه. ثم تقرأ أنت مباشرة وترجمة. أحب قصص الفكاهة لأنها تعطيها السرور. لأنها مضحكة. فوريا. ما سويت. إذا خلت من الكذب طبعا. فكسوا كذا المنصوص. ثم يدهش الإنسان عندما سمع شيء عجيب. سمع شيء أن عجيبة. أن عجيبة. La personne est surprise. L'homme est surpris quand il entend une chose étonnante. نعم. إذا استعار أحد شيئا يجب أن يرد أن يرده. Quand la personne elle emprunte une chose, elle est obligée de la rendre. ذهبت مع جماعة من الأصدقاء إلى المسجد. Je suis parti avec une partie, avec un groupe de mes amis à la mosquée. سأزور صديقي غدا إن شاء الله. Ensuite, ça va le faire. Ensuite, c'était le 16. يستعير زيد عدة أطباقا عدة أطباق مضاف إليه عدة أطباق علي عبد الرحمن وهو يأمل أن سيرده هو يأمل أن يرده أبنسي يأمل سبصر من الأسبوع في المستقبل يرده كذا يأمل أن يرده نشيت عبد الله طرق باب حميد جاري عبد الله تفتح ولا قدر سبحان الله دهش أحمد عندما أخي صاح علي عندما إيش أخي ليش أخي صفر أخوه صاح علي نعم مرفوع لماذا هذا البكاء premier jumi يستعير هذا الرجل صائح سنأخذ الدرس الآخر هو الدرس 30 هو الدرس 30 30e leçon et dernière leçon صلى الله تعالى بعنوان أشعب والسمك أشعب et le poisson أشعب هو أشعب بن جبير كما مكتوب تحت c'est un homme qu'on cite en exemple comme personne on va dire une personne qui convoite les choses ce qu'on appellera un gratteur un empristeur qui vient là on ne veut pas de lui pour prendre ce qui ne lui revient pas à la base طيب كلمة الجديدة أغنياء c'est le jam de غني riche الطارق طريق un chemin un chemin quoi non là ça c'est طريق طريق là c'est celui qui frappe à la porte c'est le اسم فعل de طرق يطرق أسماك جم سمك poisson غارق يغرق c'est noyé Pareil, on a posé le nas. On va lire comme on l'a expliqué la dernière fois, l'istifada min haythul kalimat, pour le vocabulaire. Mais l'histoire en elle-même, yani hada misla hada, ça ne convient pas de mettre ça dans un kitab de ta'lim pour les tulab, car il y a du mensonge dedans. La CMA, le fait de faire, de mentir pour faire rire les gens, en fait, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, waylun thumma waylun thumma waylun liman yakzib yudhik an-nas. Malheur à celui qui ment pour faire rire les gens. Taïb. Al-Hiwa. Qal, alima ash'abu anna ahad al-aghniya qad da'a ba'd ashabihi ila walimatin ba'd salat al-zuhr. Donc, ash'af. Ou Ashab, ainsi qu'une des personnes riches a invité certains de ses amis pour une walima après la salade du Dhuhr. Fadhaba Ashabu liyatanawala 'indahu ta'am al-ghada ma'hum dun da'wa. Donc Ashab s'y est rendu afin de pouvoir prendre avec eux le repas du midi sans avoir reçu d'invitation. Fatalaq al-bab وعرف صاحب البيت أن الطارق هو أشعب. Il a frappé à la porte et que le propriétaire de la maison a su qu'il s'agissait de Ashab. فأبعد صاحب البيت طبق السمك الكبير عن المائدة قليلا وأبقى طبق السمك الصغير. Donc le propriétaire de la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé, éloigné, on va dire, l'assiette contenant le grand poisson de la table, il l'a mis plus loin. Légèrement plus loin, et il a juste laissé l'assiette contenant le petit poisson. Allez, parce qu'il ne voulait pas que Ashab vienne et qu'il prenne manger le poisson avec le grand. Donc il a juste montré de laisser le petit, espérant peut-être qu'il voit le petit et repartir. Ou Allah Allah. Al-Muhim. Walamma dakhala Ashab al-Bayt hayyan ou hayya al-Jami' wa jalasa bi janib tabak al-samak al-sadir. Et lorsque Ashab est entré dans la maison, il a salué tout le monde, et il s'est assis près de l'assiette contenant le petit poisson. ولكنه نظر الى طبق السمك الكبير فوجده بعيدا. Cependant, il a vu l'assiette contenant le grand poisson et il a vu qu'il était loin de lui. طلب منه صاحب البيت ان ياكل فرفع اشعب سمكه صغيره فوضعها بجانب اذنه وقال. Donc le propriétaire de la maison a voulu de Ashab qu'il prenne un des petits poissons. Plutôt qu'il mange, même qu'il a voulu qu'il mange, c'est Ashab, il a pris un des petits poissons, il l'a mis près de son oreille et il a dit: Hel ta'arifuna ma qalat li hadhihi as-samaka? Il leur a dit: savez-vous ce que ce poisson m'a dit? Qalu la. Ils ont dit non. Qala inna as-samakata as-saghira taqul inna tilka asmak al-kabira hiya allati akalat walidaka fi al-bahr indama 'ariq li'annahu lam yakun ya'rif as-sibaha fa'akala fa'kulha. Donc il a dit que le petit poisson m'a dit, certes, ces grands poissons, que tu vois là-bas, le grand poisson, c'est celui qui a mangé ton père dans la mer lorsqu'il s'est noyé et il ne savait pas nager. Donc mange-le. Allez, mange ce gros poisson. Allez, venge-toi. Dahik al-Jamir, waqarraba sahib al-bayt al-sabak al-kabir. Donc les gens se sont tous mis à rire et que le propriétaire de la maison a rapproché le grand poisson. ثم أكلوا وأكل أشعب معه وخرج مسرورا. Donc ils ont mangé et Ashab a mangé avec eux et est sorti content. C'est ce qu'il voulait. وهذا من سوء أخلاق بلا شك. Mauvais comportement, venir là, tu n'es pas invité, mentir pour faire rire les gens et convoiter les biens des gens. Ça c'est خلاف ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. Au contraire à ce que le professeur Fred nous a appris. Il y a bien ces questions que, comme c'est le dernier DERS, on n'a pas question de texte. On va juste prendre l'exercice, Inch'Allah. On a retourné le kitab Bizarik. On peut aller trouver avec les mots suivants: Tubbidou, éloigné, que l'on quelque chose. Yaharaku, se noyer, el arniaou, les riches, talaba, désiré. Djoum el-oula. El-oum el-awaniya, el-zujadiya, عن أطفالها. La mère, يعني la mère de famille, hein, les récipients en verre des enfants. Tobey. Tobey, elle est loin. ثانياً منه والده أن يساعده في المتجر. Son père de lui qui l'aide dans le magasin. Par là-bas. ثالثاً الذي لا يحيد السباحة إذا سبح بعيداً عن الشاطئ. عن شاطئ البحر. Celui qui ne connaît pas bien la natation, si jamais il nage loin du bord de la mer. Il se noie. واجبون على مساعدة الفقراء. Il est obligatoire pour le d'aider les pauvres. أغنياء. نعم. On va faire الرابع. De lier العبارة de مجموعة ألف بمجموعة باء. ألف. فتحت الباب. Je vais à la porte. صرخت والدته به قائلة. Sa mère a crié en disant. ثالثا إن في قصص الفكاهة يصير dans l'histoire drôle. رابعا إذا دعك أخوك المسلم si ton frère musulman t'invite. خامسا كان طعامه لذيذا. C'est un plat, on va dire délicieux. ب يضم أصنافا كثيرة. Il regroupe beaucoup de variétés, beaucoup de gens. Fa'ajib da'wata. Réponds à son invitation. Ibta'id aninnar. Éloigne-toi du feu. Fa'wajattu at-tariq walidi. Je trouvais que celui qui frappait à la porte, c'était mon père. Rahatan wa mumta'atan lin-nafs. Qu'elle était reposante et réjouissante pour l'âme. فتحت الباب فوجدت الطارق والدي نعم صرخت والدته به قائلة ابتعد عن النار نعم sa mère a crié en le disant il entend du feu إن في قصص الفكاهة راحة ومتعة للنفس ممتعة إذا دعاك أخوك المسلم فأجب دعوته. نعم. كان طعامه لذيذا يضم أصنافا كثيرة. نعم. أصناف c'est catégorie en fait. نعم. Tout le reste c'est que des choses à écrire normalement. Essaie d'improviser. Al-Khamis. Attends, non, tu vas faire le fa'alif. Yaqul. C'est une phrase et après tu changes le fa'il. Tu changes la forme de la phrase. Walamma dakhala ash'abu al-bayt sallama wa jalasa bi janib tabaq as-samak as-saghir walakinahu nazara li tabaq as-samak al-kabir fa wajadahu ba'idan. Lorsque Shu'aib est rentré dans la maison, il a salué, s'est assis près de l'assiette du grand, du petit poisson et il a trouvé que. Et pourtant, il a vu que l'assiette du grand poisson était loin. Donc à la place de Ash'ab, tu mets Leïla. Après Ar-Rajulan, après Ar-Rijal. Tfaddal. Leïla ou Alan. Walamma dakhalat Leïla al-bayt sallimat. Sallamat. Sallamat wa jalasat bi janibi tabaq as-samak. Samak as-saghir. Walakinaha nadarat ila tabaq as-samak al-kabir fa wajadat ba'idan. Fa wajadat hu. وجدتهم بعيدا نعم احسنت لا فاجئت رجلتي تأنيس رجلان مثنى جوال ولما دخل الرجلان لا ولما دخل الرجلان tu changes rien دخل il reste comme il a شكلها لا pas d'alif après il y a fa'il Tu vas dire Dakhala, est-ce que tu dis Yadhabun el Muslimoun? Tu dis Yadhab el Muslimoun? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis Yadhabun el Muslimoun? Tu dis Yadhab el Muslimoun? Ada, c'est des phrases tous les jours, tu les prononces, tu les entends. Tu dis Yakul el Ulama ou Yakulun el Ulama? C'est quoi que tu entends? Je sais pas. Le verbe, il y a sa forme. Car le fa'il, c'est Rajulan. Si tu mets l'alif, ça va être un fa'il, tu auras deux fa'il, c'est pas possible. Donc c'est quoi? Dakhala, Rajulan. Yakul el Ulama. Je ne dis pas Yakulun el Ulama. Le waou, c'est un fa'il. Ulama, c'est un fa'il. Tu n'as pas de sujet. On l'a expliqué, à part, il y a un cas d'exception, mais bon, il est rarement employé. Elle offre ses waakada. Tembi, lorsqu'on a dit tout à l'heure Dakhalat Leila, le test c'est pas un fa'il, c'est un harf qui est rajouté. Le fa'il c'est Leila. Amala, le fa'il c'est Rajulan. Donc le verbe il reste au singulier. Walamma Dakhala Rajulan, Naam. El Beit, Sallama. Naam, c'est bon là. Sallama, Wajalasa, Bijanibi Tabafi Samak, Assari. Walakin. إنهما نظرا إلى طبق السمك الكبير فوجداه بعيدا. نعم الرجال جويل مذكر. فلما دخل الرجال فلما دخل الرجال البيت سلموا وجلسوا بجانب طبق السمك الصغير ولكنهم نظروا إلى طبق السمك الكبير فوجدوه بعيدا. نعم طيب الاسم بعد نعم خلاص زوجت تلك على بازا في على مزون كما قلنا هذا هو آخر درس فنقف هنا رجاء أنه حصل استفادة من هذا الكتاب وعلى سويت إن شاء الله قرأ كتاب في النحو في الجرومية عيكم شعب بإذن الله تعالى. طيب مفهوم هذا؟ وعليكم السلام صلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Thank you.